La Flouve odorante, par André Theuriet. On prétend que la vertu est toujours récompensée, me dit un soir mon ami Robert Castanier, le plus naïf et le plus épanoui des paysagistes. C'est une charge. Je vais te conter une histoire qui prouve absolument le contraire. En 1800 et quelques, j'étais allé passer l'été à Saint-Valéry-sur-Somme, en compagnie d'un aquarelliste anglais, dont la spécialité est de peindre des arcs-en-ciel trempant dans des grèves mouillées. Je ne sais si cette station balnéaire est devenue florissante, mais en ce temps-là, elle était maussade et assez mal fréquentée. On n'y prenait que des bains de mer mitigés d'eau de Somme, et tout y était à l'avenant. Demi-toilette, demi-fortune, demi-monde, demi-vertu. À l'heure de la marée, soit la digue où se trouve l'établissement, les baigneurs se partageaient en deux clans. La bourgeoisie du cru, inélégante, ennuyeuse et collée montée, puis la colonie étrangère, composée en grande partie de faux ménages parisiens, et naturellement, ces deux sociétés passaient leur temps à se regarder de travers ou à se jeter des mots désagréables à la tête. Une après-midi, à l'heure du bain, nous vîmes arriver deux dames très complètement habillées. La plus jeune, âgée de 18 ans au plus et fort jolie, paraissait la fille de l'aînée, qui était petite, brune, grassouillette, avec des traits fanés et chiffonnés, et qui avait dû avoir jadis la beauté du diable. La jeune fille était bien faite, très agréablement formée, brune comme sa mère, mais avec un teint d'une blancheur éblouissante. Tandis que la maman s'asseyait à l'ombre pour lire un roman, la fille, entrée dans une cabine, en sortait 10 minutes après, vêtue d'un costume de bain très collant, très écourté, et coiffée d'un filet de chenilles rouges qui emprisonnait la masse de ses cheveux noirs. Décidément, c'était une belle créature, admirablement campée et modelée. Elle courut vers la plage, plongea dans l'eau, s'y ébroua, puis brusquement enleva sa résille qu'elle lança sur le sable. Son opulente chevelure ruissela tout autour d'elle, encadrant étrangement son blanc visage où brillaient deux grands yeux vifs et câlins. Et ma foi, c'était un spectacle fort plaisant. Le soir, je les retrouvai à table d'hôte. La mère était veuve d'un gentilhâtre des environs, qu'il avait épousé in extremis pour régulariser une liaison déjà ancienne et pour légitimer la petite, qui se nommait Jacqueline de Vergne. Les dames de Vergne habitaient hors de la ville, au Corderie, un pavillon à la lisière des bois. Elles n'avaient pas de domestique et mangeaient à l'hôtel. À table d'hôte, entre baigneurs, on se lit vite. J'étais le voisin de Jacqueline et je ne me privais pas de causer avec elle. Intelligente, expansive, nullement façonnière, elle avait une certaine culture. On pouvait même dire qu'elle était assez avancée pour son âge. Elle avait dû être élevée à la diable, dans un milieu demi-artiste, demi-bohème, mais elle gardait avec cela des étonnements candides et une inconscience du mal qui empêchait de prendre avec elle de trop grandes libertés. Sa conversation était amusante. Nous effleurions tous les sujets, même les plus délicats. Elle m'avouait naïvement ses goûts en littérature, en art et même en cuisine. Un soir, à propos de ses fleurs de prédilection et de ses parfums préférés, je lui citai un passage de Balzac où le héros du Lys de la Vallée parle d'un parfum qui s'exhale des prairies en mai et qui communique à tous les êtres l'ivresse de la fécondation. Une petite herbe, la flouve odorante, est un des principes de cette harmonie voilée. Aussi personne ne peut-il la garder impunément près de soi. « Vraiment, » me dit Jacqueline, en ouvrant tout grand ses yeux noirs humides, « il y a une herbe pareille. Je voudrais la connaître. » Elle était si attirante avec ses luisantes prunelles, sa peau blanche et ses lèvres rouges, que je ne pus me tenir de lui répondre qu'auprès d'elle, point n'était besoin de la flouve odorante. La mère ne gênait nullement nos entretiens, au contraire. Elle paraissait charmée de cette intimité. Nous en vîmes à nous lier familièrement. J'accompagnais ces dames à la promenade. Nous prenions le thé chez elles le soir. Et parfois, avec une bande assez mêlée de baigneurs et de baigneuses, nous organisions des pique-niques aux environs. Si Saint-Valéry est une ville maussade, la campagne, en revanche, y est charmante, très verte, accidentée, ayant déjà cette fraîcheur plantureuse et robuste de la nature normande. Partout, de beaux groupes d'arbres, des pâtures et des maisons de ferme enserrées dans d'épaisses clôtures d'ormes et de hêtres, des prés bordant des lisières de bois ou par une brusque coulée, on aperçoit tout au loin un coin de mer glauque ou grise et des vols confus de mouettes. Une après-midi, nous allâmes luncher en bande au bois des Bruyères. La compagnie était assez panachée. Le côté des hommes, où les peintres et les officiers de la garnison prochaine étaient en majorité, avait encore un peu de tenue. Mais le côté des dames exhalait une forte odeur de balai rôti. La présence de Jacqueline, la seule jeune fille de cette société demi-mondaine, ne réfrénait ni les langues ni les gestes. Elle n'arrêtait ni les plaisanteries salées ni les privautés gaillardes. Au dessert, on se jetait des fruits à la tête et on buvait dans le verre de sa voisine. Je regardais Mademoiselle de Bergne. Elle paraissait agacée et très nerveuse. Elle se leva tout à coup et annonça qu'elle allait se cueillir un bouquet dans les prés. Je quittai ma place à mon tour et j'offris de l'accompagner. « C'est ça, » dit la mère avec empressement. « Allez, jeunesse, ne vous perdez pas en chemin, surtout. »« Appelez-nous quand vous partirez, » recommanda Jacqueline. « Nous vous rejoindrons sur la route. » Coiffée d'un chapeau de paille à large bord, serrée dans un mantelet dont ses bras croisés tendaient l'étoffe soyeuse sur sa taille cambrée, elle descendait avec une lente ondulation de tout le corps un sentier caillouteux. Je la suivais, admirant la grâce voluptueuse de sa démarche. Derrière nous, le jour tombait doucement et une nouvelle lune arrondissait au-dessus des bois son mince croissant doré. De temps à autre, le vent nous apportait les rires bruyants des convives du pique-nique. Jacqueline tourna la tête vers moi et à la clarté naissante de la lune, je vis ses yeux noirs scintiller avec un éclat mouillé. « Leur gaieté passe un peu les bornes, » remarqua-t-elle. « Avouez que tout à l'heure vous avez été choquée. »« Je l'ai surtout été pour vous, mademoiselle, en vous voyant mêlée à cette bande de fous. »« Que voulez-vous » répliqua-t-elle avec amertume. « Ma mère ne peut se passer de société, et dans un petit trou comme celui-ci, on ne peut pas choisir son monde. » Nous étions arrivés à la prairie très verte et déjà veloutée de l'humide vapeur du soir. « Voici, » reprit Jacqueline en riant, « le cas de nous édifier sur la flouve odorante. Trouvez-moi cette herbe merveilleuse. » Je lui montrai la frêle graminée aux épis blancs. Je lui appris aussi que d'autres plantes avaient les mêmes pénétrantes odeurs et je lui cueillis des reines des prés, des menthes, des mélilots, toutes ces fleurs qui donnent au foin coupé son haleine amoureuse. Elle penchait son blanc visage sur ce champêtre bouquet. À travers les épillets des graminées et les sommités violettes des menthes, je voyais luire ses yeux ensorcelants. Nous ne trouvions pas le temps long, mais les rires plus lointains de nos compagnons et l'approche de la nuit nous rappelèrent qu'il était sage de revenir sur nos pas. Quand nous débouchâmes de nouveau sur la pelouse où nous avions lunché, plus personne. Nos compagnons étaient partis sans plus s'inquiéter de nous. Jacqueline, à la fois humiliée et dépitée, se mordait les lèvres et restait suffoquée. Elle essaya de sourire d'abord pour masquer son irritation, puis ses yeux se mouillèrent, ses lèvres se crispèrent, et tout d'un coup son chagrin éclata, violent comme un ruisseau qui rompt son écluse. J'essayai de la consoler en lui prenant les mains. Dans une crise de désespoir, elle laissa tomber sa tête sur mon épaule en sanglotant. « C'est indigne. Voilà comment on me traite. C'est trop fort. Je suis trop malheureuse. » Ses larmes, cette jolie tête roulée sur ma poitrine, ses parfums de flouve et de mélilot, montant du corsage, me grisaient absolument. Je lui répondais par des phrases incohérentes, tout en couvrant de baisers ses cheveux et son cou. Elle se serra tendrement contre moi en criant. « Je suis lasse de cette vie-là. Je voudrais m'en aller bien loin, bien loin. » Ces derniers mots me ramenèrent dans le sentier battu de la réalité. Je ne voulais ni l'épouser ni abuser d'elle. Par conséquent, mon premier devoir était de rattraper mon sang-froid. « Calmez-vous, » dis-je d'un ton paternel. « Votre mère a pensé probablement que nous avions pris les devants. » D'ailleurs, les corderies ne sont pas loin, et nous y arriverons dans une demi-heure. » Je lui offris le bras et l'emmenai rapidement le long de la route enténébrée. Elle était devenue taciturne. Un frisson lui secouait les épaules. De temps à autre, elle levait vers moi un regard demi-suppliant, demi-provoquant, qui avait l'air de dire « Emmenez-moi, voulez-vous » et qui me donnait la chair de poule. Mais je tenais bon, et je fus héroïque. Nous continuions à cheminer silencieusement. C'est ainsi que nous atteignîmes les corderies, où je remis vertueusement Jacqueline entre les bras de sa mère, qui me parut plus surprise qu'émue de nous revoir si tôt. Je quittai Saint-Valéry, et des années se passèrent. À l'ouverture du salon de 1870 et quelques, le jour du vernissage, comme j'entrais chez le doyen à l'heure du déjeuner, je me trouvai soudain en face d'un couple qui cherchait une table, et je reconnus Jacqueline, en compagnie d'un monsieur ni beau ni laid, ni commun ni distingué, qui avait tout à fait une tournure de mari. Je crus qu'elle m'avait parfaitement reconnu aussi, et gaiement, le chapeau soulevé, la main tendue, je m'approchai. « Ah, mon cher, si tu as vu ce regard de glace et cet air d'absolu mépris !» Elle me toisa rapidement et me tourna le dos, me laissant bouche bée, dans une pose ridicule, en présence des camarades qui riaient à se tordre. Et voilà comment j'étais récompensé de ma vertu. C'était La Flouve odorante d'André Theuriet.